C'est nos vies. On a grandi, grandi frère. J'avance les deux pieds dans le vide. J'ai déjà chanté ta j'échange, j'ai déjà chanté ta j'échange. Tu m'as pas répondu, Ray. J't'ai appelé plusieurs fois sur ton bigot sans nouvelles. On n'est pas comme ça, mon Ray. J'suis à l'album, j'continue. J'peux pas faire de parenthèse. T'es pas heureux, tu simules. Tu veux me voir en quarantaine. Tous ces rageux veulent me coller. Mon talent, moi je l'ai pas volé. L'avenir n'est pas garanti. J'suis dans mon bolide, j'pense. Des fois même j'suis en transe et j'vois tout ralenti. De toute manière, y'a un Dieu. Y'a tes vœux, y'a mes souhaits. Quand j'y pense, je m'en veux. Ma réussite t'as fait échouer. J'apprécie pas qu'on parle mal, fais pas de bruit quand le calme y est. L'heure a sonné, prends mon âme, petit chétan que tu es, avec ton plus beau barillet. Pour ma carrière, j'pose mes yeux sur la prod et va dire à la prod que j'aime rimer. Ça vient de Marseille, ça vient de Paris, ça vient du Sud, ça vient d'Alger, ça vient de Tunis et même du Rif. Quand on s'en prend à ta vie, c'est souvent proche que se rendent le riz. Je te dis dans les yeux, fils de pute, t'as qu'à tirer.